Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro à l'édition de la mi-journée de ce vendredi. Voici d'abord les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, effectue une visite officielle au Burundi du 21 au 23 mai, comme c'est écrit sur le compte Twitter de la présidence de la République du Burundi. Le Conseil des ministres tenu ce jeudi s'est engagé à moderniser la gestion des finances publiques dans le but de mieux assurer la transformation de l'économie burundaise telle qu'inscrite dans le plan national de développement. Ce Conseil des ministres est également revenu sur l'espace qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura, vous l'entendrez dans ce journal. Et à Kayanza, les exploitants illégaux des minerais en commune Muruta seront assimilés aux malfaiteurs visant nuire au développement de l'économie du pays. Telle est la mise en garde du gouverneur de cette province, Rémi Tshishahayo. C'était lors d'une réunion avec les chefs de service au niveau provincial et communal ce jeudi. Alphonse Kugimana assure la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page diplomatie pour débuter cette édition. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo effectue une visite officielle au Burundi sur le compte Twitter de la présidence de la République du Burundi. L'on précise que la visite commence ce samedi pour se terminer lundi du 21 au 23 mai. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à moderniser la gestion des finances publiques pour mieux assurer la transformation de l'économie burundaise telle qu'inscrite dans le plan national de développement. Ceci ressort du Conseil des ministres tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Suivez les détails à ce propos avec le porte-parole et secrétaire général du gouvernement Prosper Naugwamiye. Dans ce cadre, l'introduction du budget programme comme mode de gestion budgétaire s'avère une nécessité. Il permettra d'assurer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des crédits alloués à chaque ministère et institution de l'État et par conséquent de mesurer la performance dans la gestion de ces derniers. En plus, la révision de la Constitution intervenue en 2018 appelle des ajustements au niveau légal et réglementaire. Ce double souci de conformité à la Constitution et de modernisation de la gestion des finances publiques amène le gouvernement à mettre à jour un certain nombre de textes légaux et réglementaires qui encadrent la gestion des finances publiques. C'est dans ce contexte qu'intervient la révision de la loi organique numéro 1/35 du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques pour l'adapter aux réformes et projets portés par le gouvernement afin d'assurer la performance des administrations publiques dans la collecte des recettes et la gestion efficace et efficiente des dépenses publiques. Il s'agit de souligner que cette loi va également s'appliquer aux établissements publics à caractère administratif et aux sociétés publiques. À titre indicatif, les nouveautés suivantes sont apportées par ce projet de loi, à savoir l'attribution par une loi aux communes la possibilité de collecter des recettes, la création d'un compte virtuel et d'un compte unique du Trésor pour le suivi des fonds des organismes publics, la précision des différentes sortes de budgets et leur fonctionnement dans le cadre du budget programme, l'inclusion d'une obligation de rendre compte sur les réalisations et les résultats objectivement vérifiables associés aux moyens mis à la disposition pour financer les actions concourant à la politique publique. C'est un concept pour faciliter leur compréhension. Insérer une disposition sur la digitalisation de la collecte et la gestion des finances publiques. Élaborer des modules de formation destinés aux utilisateurs clés des ministères et autres institutions pour faciliter l'appropriation et l'opérationnalisation de cette loi. Être précis lors des planifications des budgets programmes afin de réduire la lenteur fréquemment observée lors de l'exécution des budgets. Préciser le début et la clôture d'un exercice budgétaire. Le Conseil des ministres de ce jeudi est également revenu sur l'espace qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura, attribué à l'Association des banques pour y ériger un centre commercial il y a plus d'une année, sans toutefois y parvenir. Suivez encore une fois Prosper Naugwamiye. En date du 12 janvier 2021, une commission technique a été mise en place avec pour mission d'élaborer une feuille de route ainsi qu'un chronogramme des activités. En date du 7 avril 2021, le Conseil des ministres a analysé et adopté une feuille de route de mise en œuvre et un mémorandum d'entente a signé avec l'Association des banques et établissements financiers du Burundi pour la construction du centre commercial. Après analyse des activités déjà réalisées par rapport à ce dossier, il s'observe que la mise en œuvre de la feuille de route accuse un retard par rapport aux prévisions. L'adoption du décret portant autorisation de l'État à participer au capital de la société et celui portant concession du site de l'ex-marché central de Bujumbura à la société ainsi que la création de la société mixte pour continuer le reste du processus était prévu au mois de juin 2021. Le choix du projet et de la maquette était prévu au mois de novembre 2021. La réception des études, y compris les études d'impact environnemental, ainsi que le lancement d'appels d'offres pour la construction d'un centre commercial sont prévus au mois de juin-juillet 2022. La pose de la première pierre est prévue au mois d'avril 2023, tandis que l'inauguration du centre commercial est prévue au mois d'avril 2026. Compte tenu du retard déjà consommé, l'Association des banques et établissements financiers du Burundi devra prouver avec certitude et avec des dates à l'appui qu'elle sera capable de rattraper le retard perdu. Au cas où l'Association des banques et établissements financiers du Burundi n'arriverait pas à prouver qu'elle est capable de rattraper le temps perdu pour construire l'infrastructure dans les délais convenus dans la feuille de route, le terrain serait cédé à d'autres investisseurs. Après échange et débat, les observations et recommandations suivantes ont été formulées. Le retard du projet pourrait être expliqué par la manière dont les activités doivent se succéder. En effet, l'étude de faisabilité ne pourrait pas être possible sans que la société mixte ait été mise en place. Il a alors été recommandé que dans un délai des mois, cette société ait été créée pour faciliter les étapes suivantes. Que les responsables de cette nouvelle société établissent le chronogramme actualisé des activités. De procéder à une mobilisation d'autres partenaires pour souscrire au projet. Toujours dans la rubrique économie, la société civile appuie certains ministères dans l'élaboration des projets clés à soumettre au gouvernement pour le fonctionnement du budget général de l'État. C'est l'explication du président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et la marvelisation économique, Gabriel Oufiri, s'indigne contre le comportement de certaines institutions qui ne collaborent pas avec les sociétés civiles. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le rôle de la société civile est primordial parce que nous sommes l'œil et l'oreille des citoyens et nous donnons des contributions. Par ailleurs, le ministère en charge des finances nous a appelés, on a échangé verbalement et on a donné nos contributions par écrit. Nous pensons qu'ils vont en saisir, que ce soit au niveau des recettes, que ce soit au niveau de la gestion budgétaire. Certes, il y a certains services qui sont toujours réticents à donner des informations, mais nous continuons à travailler pour qu'on puisse avoir des données et pour qu'on puisse faire une analyse minutieuse. Mais d'ores et déjà, nous pensons que les choses sont en train de s'améliorer à ce niveau-là. Sauf que, comme je le disais, le budget est un miroir de la gouvernance. Si le budget est mal étudié, est mal exécuté, est mal analysé, sachez qu'il est très difficile de faire progresser en matière de gouvernance, en matière de démocratie, en matière sociale, en matière économique. C'est très difficile. Et quel est l'appel à ces institutions qui ne facilitent pas la tâche de la société civile? Nous lançons un appel vibrant à ces institutions qui ne facilitent pas la tâche à la société civile indépendante de comprendre que nous sommes là pour contribuer. Nous sommes là pour faire avancer le pays sur le chemin du développement, sur le chemin de la gouvernance, sur le chemin où tous les citoyens essayent de bénéficier du gâteau national. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, poursuivons par la page société. La sous-colline de Kalama 2 de la zone Nyambouya en commune Issalé. Nous sommes dans la province de Bujumbura, figure dans la zone d'extension de la présidence de la République. Ceci est dit par le commissaire général de l'Office burundais de l'habitat au Bura. C'est après l'élémentation des propriétaires des parcelles dans cette localité s'inscrivant en fond contre un gradé de l'armée qui assure la sécurité de la présidence qui circulaire a intimé l'ordre de suspendre les travaux de construction. Jean-Pierre Gattole explique que l'identification des propriétaires des parcelles à Kalama 2 est en cours pour procéder à leur indemnisation. Le document écrit réclamé par ces gens de Kalama 2 est en cours de préparation, précise-t-il. Le gouverneur de la province Kayanza met en garde les extracteurs de mines qui exercent cette activité en clandestinité dans la forêt de Kibira, côté commune Muruta, qui seront assimilés aux malfaiteurs visant nuire au développement de l'économie du pays. Rémi Chichahayo l'a dit ce jeudi. C'était lors d'une réunion avec les chefs de service au niveau provincial et communal pour évaluer ensemble la vie de la province dans différents domaines. Le point avec Patrick. Comme l'a indiqué Abeline Zigayo, chef d'antenne provinciale de l'Institut national de l'environnement pour la conservation de la nature et la protection de la réserve naturelle de la Kibira Kayanza, ces extracteurs des mines dans la Kibira le font sur tous les airs de la nuit et ils sont en confidentialité avec certains administratifs, certains officiers de la police et judiciaire, sans oublier certains des chargés des forces de défense et de sécurité, ajoutait-il. Il demande à l'administration provinciale Kayanza de suivre de près cette question. Rémi Tichel, gouverneur de la province Kayanza, met en garde quiconque participe de près ou de loin dans cette extraction illicite des mines dans la Kibira, que des sanctions sévères à leur endroit sont prévues. Rémi Chichayo leur demande d'en découdre avec cette mauvaise pratique qui nuit à l'épanouissement de l'économie du pays. À l'occasion de cette réunion avec les chefs de service, les juges au tribunal de résidence, de même que les officiers de la police qui n'accomplissent pas convenablement les missions leur assignées, ont été également mis en garde par le gouverneur de la province Kayanza. Cette autorité provinciale à Kayanza demande au nouveau procureur récemment nommé de corriger toutes les imperfections qui se sont observées dans le secteur judiciaire ces dernières années. Rémi Chichayo n'a pas manqué également à féliciter le secteur éducatif pour pouvoir se classer deuxième au niveau national dans le test de niveau qu'ont effectué les enseignants de l'école fondamentale. Les participants à la réunion ont dit se réjouir des échanges visant le développement de leur province, se demandant ainsi la multiplication de terres séances. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Sanganilo. Rendons-nous à présent à Bubanza. Les hippopotames qui sont dans les fossés remplis d'eau à Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza, ne constituent aucun danger. Ils sont dans leur zone environnementale et leur coco. C'est ce que dit le directeur provincial de l'environnement à Bubanza, qui ajoute que les habitants proches devraient éviter des attroupements autour de ces animaux pour ne pas leur faire peur. Emmanuel Ndikouaganoa précise aussi que ces animaux sont là car il y a encore beaucoup d'eau, sinon ils vont retourner dans la Rusizi ou dans le lac si l'eau diminue en passant par la rivière Manda. Et la mission conjointe des Nations Unies, l'Union Européenne, est en séjour depuis mardi dans les collines de Minembwe, la ville d'Uvira et Baraka à Kru, son séjour jeudi 19 mai 2022. Il reconnaît la présence des groupes armés étrangers dans ces coins, mais laisse la charge au gouvernement congolais, annonce du porte-parole de la délégation de ces 6 personnes, d'y être venu écouter les difficultés des habitants de ces trois territoires, à savoir Uvira, Fizi et Mwenga. Le point avec Jérémy Kouhima. La mission mixte Nations Unies et diplomate de l'Union Européenne basée à Kinshasa, qui a séjourné à Minembwe dans les hauts plateaux d'Uvira, en territoire de Fizi et même Uviraville, a clôturé son séjour jeudi 19 mai 2022 au sujet des groupes armés étrangers venus du Rwanda et du Burundi. Madame Daphné dit ne les avoir pas rencontrés physiquement. Elle a seulement entendu les habitants parler de leur présence et a demandé au gouvernement de s'y pencher. Alors oui, effectivement, la population nous en a parlé. Nous, on n'a pas pu constater de nos yeux, évidemment, mais on a pris ces messages et on va effectivement... On peut rien faire, nous, en tant que partenaire de la RDC. C'est effectivement au gouvernement de régler ces questions avec ses voisins et ils ont des accords qui leur sont propres. Après, si cette présence n'est pas voulue, il y a aussi peut-être un travail à faire davantage au niveau de la gestion des frontières de l'RDC de manière générale pour limiter les entrées non souhaitées des personnes étrangères. À côté de Madame Daphné s'est trouvée aussi Mathilde Chadouine, conseillère à l'ambassade des Pays-Bas en RDC et 5 autres agents des missions diplomatiques européennes basées à Kinshasa. Depuis Kilomoni à l'hélipad de la Monisco, Jérémy Kouhima pour Radio Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Restons en République démocratique du Congo. La situation a été tendue ce jeudi 19 mai dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Les affrontements ont repris entre les combattants du M23 et le FARDC. Le bilan n'est pas encore connu. Ce nouvel affrontement entre les deux camps intervient 3 semaines après la fin de la première étape de la négociation initiée à Nairobi au Kenya sous la conduite de la présidence kenyane. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.